Mais Michel Tifoy a réussi tout un exploit, il a réussi à convaincre Philippe Lavoie de Saint-Jean d'Arc de lui parler concernant sa décision de s'aligner avec les Carabins de Montréal à compter de la saison prochaine. Donc on écoute l'entrevue que Philippe Lavoie a fait à Michel Tifoy sur les ondes de CKJ à Jonquière hier. Dans le vestiaire avec Michel Tifoy et Dominique Bolduc. C'est l'année des Gaillards, aucune défaite cette saison. Le bol d'or, et là on le savait. L'entraîneur François Laberge nous l'avait dit, il y a des joueurs qui vont être invités à des camps universitaires. Oui. C'est le cas du jeune Philippe Lavoie, un jeune homme de Sainte-Jeanne-d'Arc au Lac-Saint-Jean, qui est invité par les Carabins de Montréal. Philippe, bonjour. Bonjour, salut. Ouais, bonjour et félicitations. Dis-moi, avant de jouer avec les Gaillards de Jonquière au football, où as-tu joué ton football mineur? Moi, disons-moi, j'ai joué à Alma. J'ai joué secondaire 4, secondaire 5 à Alma pour les Lynx du Pavillon au bord du Faux. Puis après ça, j'ai joué une année en division 1 à Québec, à Limoilou. Et là, l'instructeur des Carabins, Danny Machocha, s'est rendu chez vous à Sainte-Jeanne d'Arc pour, pour te convaincre. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, une semaine avant, moi, j'étais en contact avec Byron Archambault. C'était mon coach de linebacker. Puis il m'a dit qu'il voulait descendre, venir nous voir. Là. Puis il m'a proposé qu'on soupe chez nous, puis qu'on fasse comme une petite rencontre, puis qu'il nous explique un peu c'est quoi le recrutement, puis tout ça, puis comment ça se passe là-bas. Puis là, ouais, c'est ça. Fait qu'il est descendu chez nous. Dans le fond, il nous a fait la rencontre. C'était vraiment nice. On a parlé pendant toute l'heure du souper, puis c'était vraiment bien, là. T'as été rejoint ou t'as eu des discussions avec d'autres universités. Pourquoi as-tu choisi les Carabins de Montréal? En partie, c'est parce que moi, il y a plusieurs joueurs que j'ai joué à Team Canada qui sont allés à. Qui s'en vont à Montréal présentement. Là. OK. Puis, tu sais, comme par exemple, il y a Carl Chabot, il y a. C'est plus des gars de Montréal, là, mais si je les connais. Tu les connais. OK. Je me dis que. Ça va être le fun là-bas. Okay, je vais me faire des amis, puis ça va être bien pour ça. Là. Philippe? Puis aussi, aussi, c'est pour les installations. Oui, c'est sûr. Peu, ouais. Philippe, parle-nous de la saison parfaite des Gaillards de Jonquière. Quelle a été ton implication cette saison avec l'équipe de François Laberge? Ben, moi, j'ai été capitaine. Puis, je faisais ma job. Puis, tu sais, je pense que tout le monde sait. C'est un peu. Tout le monde faisait le job, puis c'est ça qui a causé notre succès un peu, là, je pense. Et d'après tes coachs, qu'est-ce que tu dois améliorer pour aller plus loin? Ça, je te dirais, c'est toute une question, peut-être bien prendre un petit peu plus de poids. Je suis peut-être bien un petit peu léger pour. T'es à combien de livres là, actuellement au moment où on se parle de ta grandeur? J'étais à 210 environ. Là. 210? Ouais. 6 pieds 3, 210, ouais. 6 pieds 3. Aïe, ah, ouais. Hey, t'as le physique de l'emploi là. Est-ce que tu vises une carrière pro? Je dirais que c'est un peu jeune pour. Pour y passer? Pour dire ça, ouais. Pour non, mais penser, des fois, Philippe, Philippe, quand tu te couches le soir, là, voyons donc, on rêve tout dans notre vie. Moi, j'étais pas un très bon joueur de hockey et de baseball, mais je me voyais dans l'uniforme des Expos pareil. Non, c'est sûr que ce serait un rêve, oui, hein, effectivement. Hein. Universitaire, évidemment, c'est les études, comme le football collégial. T'étudies en quoi, ça. Philippe? J'étudie en sciences de la nature, puis là, je m'en vais en actuariat ou à l'université. Okay. Écoute, Philippe, reste en ligne, parce que Danny Veilleux nous a envoyé des extraits d'un entretien qu'il a eu avec Danny Machocha, l'entraîneur des Carabins, et il n'a que des éloges à ton endroit. On va l'écouter, si tu veux bien rester en ligne, tu vas pouvoir entendre des commentaires de l'instructeur des Carabins de Montréal. Je m'en présentais qu'est-ce que nous, on pensait qu'il pouvait lui intéresser dans le sens que, comme étudiant, comme athlète. Parce que je dis souvent que la décision pour un jeune qui quitte le collégial, qui s'en va à l'université, c'est pas une décision de 4-5 ans, mais c'est plutôt un choix de vie. Ça va toucher les 40 ou 50 prochaines années de sa vie. Alors, on a parlé de tout ça. Puis, ça lui rejoint. Tout ce qu'on a discuté. Alors, c'est ça la raison que je suis convaincu que c'est un bon fit pour tout le monde. Il est fait pour toi, hein? Ouais, vraiment. Écoute, dans un autre temps, il nous dit que, d'après lui, là, tu es l'un des meilleurs secondeurs québécois au Canada. On va l'écouter. On va l'écouter, mais on s'en parle. C'est tout un étudiant, quand on regarde ses notes à l'école, c'est quelqu'un qui va nous représenter tellement bien à un moment donné quand il va graduer de l'Université de Montréal. Puis comme joueur de foot, mon opinion personnelle, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur secondaire qui fait partie de la QV 2019. Il a eu du succès partout. C'est quelqu'un qui est bien respecté. Puis pour moi, c'était une priorité d'aller lui voir puis de lui faire comprendre qu'il y a une place chez nous. Pas seulement une place, mais je suis convaincu qu'il va avoir un mot à dire dans notre succès en 2019. Ah, c'est le fun, hein? C'est pas gênant d'aller là-bas? Ouais, c'est sûr, c'est plaisant. Hein? Écoute, Philippe, on te souhaite une belle carrière. On va te suivre, on aura peut-être l'occasion de se reparler. Bonnes études, puis surtout bon football. Merci. Merci beaucoup. Philippe Lavoie, des Gaillards de Jonquière, qui s'en va au camp d'entraînement des Carabins de Montréal. Puis on vient d'entendre aussi les commentaires de Danny Machiocia. Oui. Ils sont heureux de l'avoir. Absolument. Hey, il parle de l'un des meilleurs secondaires québécois c'est pas rien. Pays. Il n'a pas joué encore un match dans le. Alors, dans tu comprends pourquoi les Gaillards n'ont pas perdu cette année? Ils ont des joueurs à succès. Les Gaillards, puis c'est pas seulement cette année. Ça fait des années, je dirais presque des décennies, que les Gaillards, c'est gage de succès à Jonquière. Au football, puis dans beaucoup de sports, mais surtout au football, dans le côté Division 3. Puis il mentionnait, il a joué Division 1 un an avec Limoilou. Ouais. Donc, quand même, il a joué du gros calibre. Donc, c'est pas pour rien là, qu'il a été vu et qu'il a été pressenti par une équipe là, vraiment prestigieuse comme les Carabins de Montréal. Je te rappelle...